accueillant la pénombre, le corps emmêlé dans ses idées, tente de regagner le rivage. Nul ne peut douter de sa bonne volonté, même si ses mouvements saccadés semblent défier les logiques stères. Alors quoi? Laisser faire ou se confronter à son désordre? Les sages ont depuis longtemps tranché les questions, à quoi bon tenter les éclairs et la foudre? Nul ne peut douter de sa bonne volonté, même si ses mouvements saccadés semblent défier les logiques stellaires. Reprendre son souffle, se mirer dans le depuis, lui sourire et la faire rire. Observer l'arc-en-ciel sans chercher à traverser, marcher, s'incliner et respirer. Nul ne peut douter de sa bonne volonté, même si ses mouvements saccadés semblent défier les logiques stellaires. Dans son ombre, les idées chevillées au corps, désormais il nage, il n'écoute pas, il entend, il ne comprend pas, il sait.